Maternité. Maternité. Maternité de Geneviève Brisac. Épisode 1. Enceinte. Contrairement à sa version anglaise qui est « pregnant », un mot dont la sonorité même exprime le sens, contrairement au physiologique « grosse » qui fait des femmes des femelles, le mot « enceinte » est d'abord un euphémisme. L'enceinte, c'est ce qui entoure. L'enceinte est un mur qui court autour de la ville pour la protéger. L'enceinte est écorce et fortification. La femme enceinte entoure le petit être à venir de la paroi de son corps. Elle l'entoure d'ailleurs aussi de son esprit. Car l'enceinte n'est rien, et le fœtus est tout. The pregnant woman est une reine. La femme grosse est une bête. La personne enceinte est un cerceau. Et son état se dit en sifflant entre ses dents. Enceinte. Une bouchée pour Boubou. Une bouchée pour Juju. Une bouchée pour l'oreille. Enceinte. Je fus heureuse de l'être et consacrée au bébé à venir. Je mangeais pour elle, comme on alimente une usine en énergie. Une bouchée pour les jeunes. Ce n'était plus une bouchée pour maman ni pour papa, mais une bouchée pour l'enfant. Oh, combien de kilos de clémentine que je n'aimais guère ai-je avalé pour subvenir aux besoins en vitamines de mon bébé, qui jamais, devenue libre et consciente, ne voulut en manger une seule. Ce qui semblerait indiquer que dans ce domaine, comme dans d'autres, le volontarisme et l'excès de rationalité sont mauvais conseillers. Enceinte, je me crus enceinte. Je me tenais plus droite que jamais, et très sage. Je refusais dorénavant certaines substances nocives. Adieu boubou, adieu foulard, adieu toutes les drogues. Je mesurais mes pas, organisais ma vie en fonction de ma locataire. Princesse à la tour, ce bébé-fille devait sentir combien l'enceinte la protégeait. Je ne partis pas en voyage et cessais le rock acrobatique et les tournois de poker. Je pense aujourd'hui que c'était une erreur. J'étais pourtant heureuse comme jamais, sans doute par la grâce des hormones que je fabriquais. J'étais heureuse comme jamais, car je me sentais enfin utile. Nouvel anneau de l'immense chaîne, je me sentais vouée. Il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Mais c'est la vérité. Prématuré. Il faut 9 mois pour finir un bébé humain. 16 jours pour un bébé hamster. 16 mois pour un girafon ou un bébé morse. Et 660 jours pour parfaire un éléphanto. Sinon, il manquera un cil ou un doigt ou un ongle, me disais-je. Enceinte, je pourvoyais l'enfant à venir en quartier de clémentine, en huile de foie de morue, en petits cubes de gruyère afin qu'elle ne manque de rien. « Je mange pour toi, » disais-je. « Prends ton temps, » disais-je. « Sois patiente, rien ne presse, après on ne cesse plus d'être bousculé. » Et toujours je pensais aux 12 garçons transformés en cygnes du comte d'Andersen. « Leur sœur mère leur tisse des tuniques d'ortie pour qu'ils puissent redevenir humains. » À la fin, il lui manque de quoi vêtir de jersey d'ortie l'aile du dernier cygne. Image pour moi de l'enfant prématuré, pas fini et jeté sans protection dans le vaste monde. J'ai été ce bébé né trop tôt, un bébé que l'on n'attendait pas si tôt, un bébé que l'on n'attendait peut-être pas du tout. Ma naissance prématurée a mis en évidence ce qui ne devait pas être étalé au grand jour. Mes parents m'avaient conçu avant que de se marier. Shame on them. Aujourd'hui, cela ne fait plus ni chaud ni froid à personne. À l'époque, c'était mauvais genre. Je l'ai toujours su, donc on me l'a toujours dit. J'étais minuscule et rien n'était prêt. Cela rend, je crois, timide. On sait ce que cela veut dire de déranger. On sait aussi ce que cela veut dire d'avoir froid. Les bébés prématurés dans les maternités ont l'air plus seuls que les autres. Et frigorifiés. Il leur manque un peu de temps. Une minute encore, monsieur le bourreau. Un peu de temps pour prendre leur élan. Les bébés prématurés ont des petits bonnets plus chauds que les autres. Des lainages autour de leurs minuscules pattes rouges et arquées. Ils sont emballés comme des pots de miel. Ils ont des airs crispés. Et le bout du nez bleu. Résolus et déterminés, ils savent depuis toujours que la vie, ce n'est pas toujours rose. Accouchement. Nous sommes assis en rond autour du maître. Les mains posées sur nos ventres et les jambes écartées. C'est pour bientôt. L'accouchement, je l'associe dans ma tête au saut en parachute de Lino Ventura dans l'Armée des Ombres de Melville. Sauter en parachute et donner la vie, ont ceci de commun que c'est aussi insensé qu'inévitable. Le maître a demandé à sa disciple préférée, qui attend son cinquième enfant, de transmettre son expérience. Elle respire profondément. Elle aimerait décrire l'indescriptible. Une jouissance unique. La jouissance de l'orgasme est plus profonde encore, absolue. Accoucher, c'est atteindre la plénitude de la fusion avec le tout. Grâce au maître et sans autre effort que celui de respirer comme on vous l'a appris, vous vous ouvrirez comme autant de rideaux de théâtre sur cette nouvelle vie qui appelle. Je devine une arnaque. Toute la mauvaise volonté d'une jeune bique furieuse m'envahit. Moi, je suis sûre que je mourrai, dis-je, consciente que j'ai tort de livrer cette conviction. Mais le maître a bien spécifié que chacune devait laisser parler son cœur. Et mon cœur de couarde piaille de peur. La disciple préférée me fusille de son beau regard tendre. Les autres me regardent avec un infime frémissement. Elles ressentent la même chose, mais n'osaient pas le formuler. Se lève une brise d'indiscipline. La disciple préférée couvre le tumulte psychique de sa douce voix d'élu. Je distingue les mots. Don de soi, corps qui s'ouvre, violon, musique, tempo de l'univers. Le maître marche vers moi. Des milliards de femmes ont accouché sans faire toutes ces salades. Des milliards de femmes ont fait leur devoir en serrant les dents et en ont été récompensées. Ce n'étaient pas des intellectuels comme madame. Les femmes du peuple sont liées à la terre. La naissance est leur joie. Sortez, madame. Je ne peux rien pour vous. Il fallait y penser avant. La méthode ne peut rien pour les fortes têtes et les libres penseuses. Vous accoucherez dans la douleur. C'était Maternité de Geneviève Brisac. Épisode 1. Avec Mélanie Bestel, Marie Cariès, Aurélia Petit, Florent Houlier. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Lydwin Caron. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois.